fado il da nizelt toujours il va il a des milliers de cousins guitaro guitaro guitaro guitaro il a connu les chemins Sainte Marie au Guernica pour venir dormir à Saint-Ouen guitaro guitaro guitaro guitaro tu ne connais pas souvent je deviens mon ciel et le sien je suis comme lui j'ai plus de pays au milieu d'un feu Guitaro, Guitaro, Guitaro, Guitaro l'ami de l'épaisse en jeu quand il donne il ne répond pas il s'est coupé son cœur en deux Guitaro, Guitaro, Guitaro, Guitaro que tu ne connais pas il aurait pu être un grand matador un voleur de poule un jeteur de sang prendre une guitare être musicien je deviens mon ciel et le ciel je suis comme lui j'ai plus de pays j'ai plus de maison je n'ai plus de nom c'est pour ta raison il y a plein d'horizons Gitano soy Gitano soy.